Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le podcast qui vous présente un film par jour. Et aujourd'hui, je vous parle de Enter the Void de Gaspard Noé. Do you remember that pact we made? Kinda. We promised to never leave each other. Never ever. Never ever. And if you die, I'll come back. Do you know that tomorrow is the anniversary of Mom and Dad's death? Tibetan Book of the Dead? I'm assuming it's about death. Enter the Void, donc, troisième long métrage de Gaspard Noé après Seul contre tous et Irréversible, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Et c'est un des films les plus écrits de Gaspard Noé. Voilà, c'est une particularité de ce film, vu qu'il est, il est écrit, contrairement à Irréversible, à Climax et à Lux Eterna, dont on a déjà parlé. C'est la première fois que je parle d'un film de Gaspard Noé où il y a vraiment un scénario. Le film raconte l'histoire de Oscar et de sa sœur Linda qui vivent à Tokyo. Et donc Oscar fait un peu, c'est un dealer et Linda travaille comme stripteaseuse dans une boîte de nuit. Et Oscar, à un moment où il doit apporter de la drogue à quelqu'un, c'est une entourloupe et il se fait piéger par la police, il se fait tirer dessus et il meurt. Quand il va mourir, son âme va se détacher de son corps, va sortir de son corps et il va d'abord voir toute sa vie avant de flotter au-dessus de Tokyo, voilà, pour rester avec sa sœur parce qu'il a fait la promesse de jamais l'abandonner. J'ai tellement de choses à dire sur ce film, c'est incroyable. J'adore, vous le savez, le cinéma de Gaspard Noé. Là, première chose où j'ai fait « Waouh, ok », c'est le générique. Le générique, alors il y a deux parties dans le générique. Il y a une première partie où vous allez avoir un générique type irréversible, donc avec les lettres qui clignotent et avec une grosse musique. Et la deuxième partie, c'est absolument un délire. C'est le graphiste Tom Kahn qui a fait le générique de Enter the Void. Et waouh. Waouh, ça va super vite. Il y a la musique Freak de LFO que je vous mettrai en fin de podcast qui va parfaitement avec. Il a fait le générique de Climax aussi, donc voilà, il a fait les deux génériques pour Gaspard Noé. C'est beaucoup mêlé à l'animation, à l'univers japonais, puisque le film se passe au Japon, donc voilà, il a fait quelque chose qui est beaucoup mêlé au japonais. C'est absolument fou. Voilà, je vais pas en dire plus, découvrez ce générique, c'est vraiment une prouesse technique et ça a dû demander un travail monstrueux. Donc voilà, c'est au début, c'est le générique de début, découvrez-le, c'est fantastique. D'ailleurs, de toute façon, il n'y en a pas à la fin, Gaspard Noé aime bien faire ça, ne pas mettre ses génériques au début et pas forcément à la fin. D'ailleurs, Tom Kahn, on peut l'apercevoir dans Lux Eterna, voilà pour l'anecdote. J'aime bien parce que au moment de la sortie, il y a eu énormément de critiques qui dénonçaient le fait que le film était nul. Il y a même des journalistes qui disaient que Gaspard Noé adorait se faire détester. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est que pour la sortie de Climax, il avait fait une affiche où dessus il y avait marqué « Vous avez méprisé Seul contre tous, AI irréversible, exécré Enter the Void, maudit love, venez fêter Climax ». Ça m'avait fait beaucoup rire. Je pense que il sait qu'il est pas aimé par tout le monde et il en a rien à foutre et même il joue avec ça et je trouve ça génial. Voilà, c'était juste histoire de le dire. J'ai trouvé ça vachement intéressant au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire que ça va être vraiment quasiment que du plan séquence. C'est des longs travelling par moment. Enfin, quand je dis que du plan séquence, c'est des faux plans séquences évidemment. C'est des longs travelling qui vont avoir lieu. Le plus souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit jamais Nathaniel Brown, donc qui joue Oscar, de face. Le seul moment où on le voit de face, c'est quand il est face à un miroir, parce qu'on est soit en vue subjective, soit la caméra se place derrière lui et on ne le voit jamais de face. Ça met encore plus en valeur le propos qui parle de la mort, etc. Et donc d'ailleurs Gaspard Noé, pour le scénario, s'est inspiré du livre qu'on voit dans Enter the Void, qui est le livre tibétain des morts qui en gros raconte selon les Tibétains ce qui se passe après la mort, et donc c'est ce qui se passe dans le film en fait. Il y a toute une scène où quand Oscar va livrer sa drogue, quand il part, il est avec son ami Alex, et en fait Alex lui explique tout ce qu'il y a dans le livre, mais en fait il explique ce à quoi on va avoir droit dans la suite, par la suite du film. C'est un film vachement ambitieux. Les sorties des avant-premières, les interviews, les gens disaient que des films comme ça, on n'en voit que tous les 10-15 ans, et que Gaspard Noé était un des seuls à pouvoir le faire. Je suis assez d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, le mec fait tout. Le mec fait la réalisation, le mec fait le montage, le mec fait le scénario. Il est vachement fort. Ça a un budget de 10 millions d'euros. Ça m'a franchement étonné, parce que c'est quand même chaud de filer 10 millions à Gaspard Noé, sachant qu'il les rentabilisera pas. Mais c'est bien, parce que ça prouve qu'il y a des producteurs qui ne pensent pas qu'à la thune et qui ont aussi encore quelque chose à foutre de l'artistique. Quoique c'était il y a 10 ans quand même. Donc voilà. Officiellement, Enter the Void est un film de patrimoine. Pour ceux qui ne savent pas, un film de patrimoine, c'est pas un film qui date de 1962, c'est un film qui date de plus de 10 ans. Donc Enter the Void est un film de patrimoine. Ça fait bizarre de dire ça, voilà. On retrouve bien évidemment Benoît Deby à la photo. Est-ce que j'ai besoin encore d'argumenter? Voilà, Benoît Deby, absolument fou, ce directeur photo. Il arrive à chaque fois à créer des univers qui sont quand même bien distingués les uns des autres, même si on retrouve des points communs. Il y a beaucoup la présence du rouge, la présence du vert, du jaune, parfois du bleu. C'est des univers qui sont assez communs dans le fond, mais qui sont tout le temps différents dans la forme, et il arrive tout le temps à livrer une photographie de qualité, et voilà, c'est absolument fou. Le directeur des effets sonores, c'est Thomas Bangalter. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Par contre, si je vous dis que c'est un des deux Daft Punk, là tout de suite ça tilte. Voilà, donc les effets sonores ont été faits par un des deux Daft Punk. Voilà, pour l'anecdote, qu'il a travaillé avec Gaspard Noé, c'est franchement cool. Il avait déjà travaillé sur la BO de Irréversible, au passage, je ne sais pas si je l'avais dit au moment où j'ai fait le podcast dessus. Le film a été en sélection officielle au Festival de Cannes, ça veut dire que s'il avait été sélectionné, il aurait pu avoir la Palme d'Or. Gaspard Noé avec une Palme d'Or, c'est un putain de rêve, vraiment c'est un rêve. Il y a quelque chose qui va peut-être déranger certains, c'est-à-dire que on n'est pas sur un film où il n'y a que quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où vraiment vous allez vous dire c'est pas forcément utile à l'histoire, et vous avez raison, c'est peut-être pas forcément utile à l'histoire, mais c'est un film qui dure 2h40, qui dure 2h20 en version, la version qui est sur le Blu-ray, il y a une version avec 20 minutes en moins. C'est genre 2h40, faut vraiment vous laisser embarquer, parce que c'est juste vraiment une vraie proposition d'auteur sur la vision de Gaspard Noé, sur ce qu'est la mort, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'amour. Voilà, j'ai conscience que c'est pas le film le plus fun à regarder, qu'il y a des moments où vous allez trouver ça long. Mais il faut résister, il faut tenir bon, parce que techniquement et même scénaristiquement, j'ai trouvé ça très fort. Sur ce que je disais sur la photographie de Benoît Deby, qu'elle était pareille dans le fond, mais que dans la forme, c'était à chaque fois différent. On a aussi ça avec les transitions qu'il y a dans le film. Il y a une caméra qui, c'est comme un peu au début d'Irréversible, en moins violent, où ça, c'est très, c'est planant en fait. Ça représente bien la trajectoire d'Oscar au-dessus de Tokyo. Donc ça tourne beaucoup, c'est très planant comme caméra. Et donc les transitions, la forme est différente à chaque fois, par contre le fond est le même. Le fond, c'est à chaque fois, c'est fait avec en général quelque chose de circulaire qui émet de la lumière, et donc la caméra, c'est comme si elle rentrait dans la lumière, et vous avez des séquences un peu épileptiques, donc voilà. On n'est pas au niveau de Lux Aeterna, mais si vous êtes épileptique, faites quand même attention en regardant le film, parce que on sait jamais, ça peut déclencher quelque chose, voilà. Il y a aussi quelque chose qui dans l'ensemble annonçait ce qu'allait faire Gaspard Noé par la suite, puisque vous avez quelque chose contre les scènes de sexe et contre la nudité au cinéma, c'est pas un film pour vous, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a vraiment quand même pas mal. C'est-à-dire que on n'est pas au niveau de Love, où Love, il y a vraiment des scènes vraiment pornographiques, on peut le dire. Mais il y a quand même pas mal de scènes de sexe, il y a quand même pas mal de nudité. Donc si ça vous dérange, la nudité au cinéma, c'est peut-être pas le bon film pour vous. De toute façon, si le sexe et la nudité vous dérangent, Gaspard Noé n'est peut-être pas le bon réalisateur, surtout, je dirais même plus ça. C'est quelque chose qui est vachement bien monté, c'est-à-dire que, hormis 2-3 interruptions, On va avoir l'impression que en fait toutes les parties qui sont faites à Tokyo et qui sont pas faites dans les flashbacks de la vie d'Oscar et de Linda sont sont en full plan séquence. Et en fait c'est pas en full plan séquence, c'est juste qu'il y a des coupures mais elles sont discrètes. Il y a par exemple un effet que j'ai trouvé intéressant, même si il est beaucoup dans le film et que des fois c'est un peu répétitif, c'est quand par exemple il y a Alex qui appelle Linda pour dire à Oscar que son frère est décédé. Linda ne peut pas parce que elle est avec un mec dans sa loge. Du coup, elle décroche pas et bah la caméra va très très vite aller vraiment vite vite se déplacer à l'autre bout de la ville où il y a Alex. On va le voir téléphoner et ça va revenir vers Linda. Enfin, c'est tous ces effets là qui peuvent rendre le film un peu long, un peu répétitif. Mais moi, c'est voilà, j'ai trouvé ça vachement vachement intéressant. Et tout simplement, je vous conseillerais de regarder ce film parce que c'est du Gaspar Noé, premièrement. Deuxièmement, c'est une vision, c'est sa vision de la mort, de la vie, de tout ce qui est l'amour, tout ça, c'est vraiment très philosophique. Et visuellement, il y a des parties prises qui sont fous, c'est une esthétique incroyable. Et encore une fois, bah, regardez du Gaspar Noé, je sais que c'est pas le plus évident à regarder. Et on a hâte que son prochain film sorte. Voilà, on a vraiment hâte que son prochain film sorte. D'ailleurs, à noter que son moyen métrage, donc j'avais déjà parlé, Lux Eterna, j'avais dit qu'il serait à voir en salle. Je commence à me revenir sur mes propos parce que j'ai vu une annonce comme quoi il serait en VOD début janvier. Donc voilà, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment le coup, Lux Eterna. Le film est disponible à la location sur Google Play, Orange VOD, YouTube, Filmo TV, Apple TV et Bipbox VOD. Et il est dispo à l'achat sur Apple TV, Google Play, Orange VOD et YouTube. Là, pour le coup, je vous conseille pas tellement de l'acheter en numérique. Je vous conseille d'acheter le DVD parce que la boîte est franchement belle. La boîte est très très très belle. Et il y a vraiment vraiment beaucoup de bonus, il y a la version en moins, il y a les scènes coupées, je sais plus, enfin j'ai lu beaucoup mais il y a beaucoup de bonus, donc achetez le DVD si vous en avez l'occasion et surtout regardez Enter the Void parce que c'est absolument fabuleux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à demain pour une nouvelle présentation de film.